Tu deviens méchant, la petite enfoirée, pas vrai? Il se chie dessus quand on le fait combattre. Quand je regarde le passé, je me dis que c'en est assez. P2OP, je regarde le passé. Je regarde le passé. Je me dis c'en est assez. P2OP. Je regarde le passé, je me dis que j'ai perdu du temps à lancer la vie par la fenêtre de tous mes tourments. Un petit homme lâché dans la rue, mais avait-on le droit? Retirer l'enfance à l'autre, c'est comme couper mes 10 doigts. À la fois porté par l'envie de réussir, éviter l'échec, pendant que d'autres visaient mon avenir à coup de chèque. Excuse-moi, je m'inspire de ma vie, je bafoue pas les autres. Ne lis pas l'apitoiement de celui qui pose sur le mic des autres. Retour aux sources, cet enfant seul ne voulait pas grandir. On n'a pas laissé le temps car il ne fait que souffrir. La calculette annoncée, le chiffre, la solitude. Pas étonnant que tout ce temps, la vie fut si rude. Je malaxe l'horizon car l'émotion est à son comble. Et dans les catacombes de la nuit où l'étoile surplombe. Et passage à l'acte et les baskets ne font que s'user. Et ramassage de baffes et on ne finit que perfuser. Dans le monde, les enfants pleurent sans qu'on les entende. Vivant de leur douleur en grandissant par force. Comment laisser la vie faire de tels dégâts? Vivant de thérapie au milieu de tous ces fracas. Dans le monde, les enfants pleurent sans qu'on les entende. Vivant de leur douleur en grandissant par force. Comment laisser la vie faire de tels dégâts, vivant de thérapie au milieu de tous ces fracas. À rechercher l'affectif pour oublier l'abandon. Qui peut comprendre si ce n'est celui qui fumera à son pilon? Le banc de la rue appelé à l'aide sur ses culs posés. À espérer un jour meilleur, toujours rien à proposer. Le hip-hop en guise de combat de toutes les souffrances. Les tibias bien solides pour casser les descendances. La France décline, qu'il peut y avoir des bavures. Parce que l'enfant s'en sort au milieu de ses ruptures. Sans se dire que c'est dur, les murs sont fissurés. Laisse mes larmes couler à l'oreille, j'ai susurré autant de misère qu'il aura fallu essuyer. Et parce que l'ignorance est telle que rien n'est assuré. Lassitude car l'obstacle fait qu'on baisse les bras. N'en veut pas celui qui n'est en rien responsable de tout ça. C'est comme ça, vivant encore sur la fatalité. Et marre de rien entendre, le silence est le seul réhabilité. Dans le monde, les enfants pleurent sans qu'on les entende. Vivant de leur douleur en grandissant par force. Comment laisser la vie faire de tels dégâts? Vivant de thérapie au milieu de tous ces fracas. Dans le monde, les enfants pleurent sans qu'on les entende. Vivant de leur douleur en grandissant par force. Comment laisser la vie faire de tels dégâts? Vivant de thérapie au milieu de tous ces fracas. Je regarde le passé finissant par un point à la ligne. Et tiré à vue sur ce que j'étais comme un fils indigne. De qui finalement ai-je été le constat? Quand on voit comment on a laissé juste un peu faire ça. Inspiration parce que l'enfant ne respire plus. N'en veut pas celui qui a toujours vécu de superflu. Et parce que le rêve à l'époque était déjà payant. Qualification de l'artiste que tu écoutes maintenant.